les mêmes problèmes. Contre le Maghreb, l'islam. Aujourd'hui, il faut savoir se serrer les coudes. Si, si, on est là, on se battra jusqu'au bout. Pour faire valoir nos valeurs, dire qu'on existe à travers le rap. Te parle d'un peuple qui a vécu, qui vit. Un peuple qui brille, un peuple qui a tout vu, qui brille. Y'a des familles qui pèsent, des petits qui pèsent. Chez nous le signe de victoire, c'est la jalousie. Y'a des fissages à la baraque, chez nous y'a Star, y'a Star. Avant du poussage ici, ça marche au désoricard. Avec un son, une guitare, on te fait danser les doubles visages. On vit grandir les gosses de chez nous. On vit vécu les gosses de chez vous. Mon bled, mon son, 100% Maghreb. On vit lancer les types tout chelous. J'rappe qu'avec les Gavri, Gassen, Mali, Douzi, Jezairi, guitare, celle à vie. Ok, votez-vous à la descendance d'Ismaël. Et c'est que t'es banni. Moi je veux être grand, je veux être grand. Qu'avec les miens traverser le temps. En 10 secondes, l'histoire des blancs. Avec les miens refaire le monde. Si je le pouvais, avec une blonde qui accepte les miens, mon clan serait une ronde. Un truc où tout le monde se serre les coudes. Une lutte pour les grands cœurs qui se soudent. Moi je n'ai pas la chance de vivre comme je le voudrais. Pour moi c'est dur, la France. Pas de boulot, trop de regrets. Depuis tout gosse à la rue, je me bats pour m'en sortir. Alors dans le rap, je fonce. Mais le bled est boycotté. Intégration, c'est un mot qui fait mal. En sachant que nos grands-parents sont morts sous vos poils. Ma religion se résume à 5 piliers. Certains sont islamophobes, le revendiquent comme de Villiers. La haine, ce n'est pas ce qu'on m'a appris. Quand j'ai quitté l'Algérie, j'ai rencontré le mépris. La paix s'est emparée de mon cœur. A fait couler quelques larmes dans la peau d'un jeune beurre. Écoute, c'est à toi que je m'adresse. Toi qui as vécu la misère, à ceux qui vivent dans la haine. Écoute, nos vies ne sont plus misérables. Grâce au combat de nos parents, de leur parcours honorable. Ma vie, c'est la même que la tienne. Ici pas de passage jusqu'à ce que mon âme lui revienne. Ma vie, c'est la même que la tienne. Ici pas de passage jusqu'à ce que mon âme lui revienne. Moi je veux être grand, je veux être grand. Qu'avec les miens traverser le temps. En 10 secondes, l'histoire des blancs. Avec les miens refaire le monde. Si je le pouvais, avec une blonde qui accepte les miens, mon clan serait une ronde. Un truc où tout le monde se serre les coudes. Une lutte pour les grands cœurs qui se soudent. Ah, j'étais parti d'un clan de bavards. J'ai grandi avec les blagues, les points des bâtards. J'avance doucement sans équipe de bavards. C'est le champ du Nord, des miens, des cartables. Est-ce qu'il paraît chez nous, on coupe les mains des fillettes. Oblige à porter le voile et on n'accepte pas les Juliettes. Oh, mais ça va pas ou quoi? C'est normal qu'il y a des bazookas dans nos roulettes. J'aimerais de l'amour en toute équité. Que le poids de la justice dise la vérité. Quelle que soit ta couleur, je te souhaite le salam frère. Créature d'Allah, citoyen de la terre. Moi je veux être grand, je veux être grand. Qu'avec les miens traverser le temps. En 10 secondes, l'histoire des blancs. Avec les miens refaire le monde. Si je avec une blonde qui accepte les miens, mon clan serait une ronde. Un truc où tout le monde se serre les coudes. Une lutte pour les grands cœurs qui se soudent.